Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. Neuvième épisode. Balthazar a révélé à Darley la manipulation dont il avait été l'objet de la part de Nessim et Justine, ainsi que la passion de cette dernière pour Perswarden. Et comment Perswarden, à qui Maskelyne, un général de brigade du Foreign Office, avait remis un document dénonçant le complot copte, comment Perswarden était allé demander des comptes à Nessim. Dans l'île grecque, battue par les vents d'hiver, Balthazar continue son récit. Perswarden m'a raconté que Nessim l'avait reçu avec chaleur et une totale ouverture. Ses réponses n'auraient pas pu être plus spontanées et candides. Elles ont immédiatement emporté sa conviction. Cette prétendue société secrète qui servirait de fondement à un mouvement révolutionnaire copte est en réalité une cellule d'étude de la cabale. Vous voulez parler du groupe de Balthazar ? Exactement. Nous vous y avions emmené une fois. La petite cahute en terre battue près de la colonne de Pompée, dans ce champ de fouilles abandonné des archéologues. Je m'en souviens bien. Pour moi, ce groupe a été essentiel pour mon développement personnel. Vous en êtes un élu, un initié. Balthazar n'aimerait pas ce mot. Un disciple, plutôt. Nous sommes en relation avec d'autres groupes, à Beyrouth, Jaffa, Tunis, et nous correspondons en utilisant une antique forme d'écriture, le boustrophédon. Qui se lit alternativement de gauche à droite et de droite à gauche. Justement, le Foreign Office a eu des doutes sur le contenu de ces messages. Je sais, les Anglais ont demandé à Darley d'en déchiffrer un certain nombre. Balthazar l'avait initié au boustrophédon. Il cherchait un code secret dissimulé dans les messages. Exactement. Et les rapports de Darley ont conclu à l'absence de réseau d'espionnage. N'est-ce pas ? C'est vrai, Nessim. Mais on parle aussi d'une organisation armée des Coptes en liaison avec les Juifs de Palestine. Écoutez, Perswarden, je ne vous cache pas l'existence d'un mouvement auquel je suis directement mêlé. C'est une affaire exclusivement copte et qui a simplement pour but de rallier les membres de notre communauté, de resserrer les liens religieux et culturels afin de nous permettre de peser davantage dans les affaires publiques. Il ne s'agit en aucun cas de pousser à la révolte. Comment le pourrions-nous d'ailleurs ? Vous me croyez ? Je ne demande que ça. Nous n'avons pas l'intention de sortir de la légalité ni d'user de la violence. L'autorité royale n'a rien à craindre de nous. Les Anglais et les Français non plus. Écoutez, après-demain, c'est la fête COP de Sitna Damiana et nous avons une réunion dans le désert. Venez assister à nos délibérations. Vous jugerez par vous-même. Diana Rose. Perswarden, vous connaissez ce troglodyte, n'est-ce pas ? Mon jeune frère, Maruz Hasnani. Soyez les bienvenus, monsieur Perswarden. Nous avons réservé un de nos meilleurs chevaux. Voilà le campement, on est arrivé. C'est irréel. Le désert blanc sous la lune. Ses tentes et ses huttes. On dirait une cité surgie du sable. On va directement au monastère. Ils n'attendent plus que nous. Swarden, installez-vous là, je vais introduire le discours de Nalos et je vous rejoins. Mes amis, je suis heureux de vous voir tous réunis ici. Avant toute chose, j'ai demandé à mon frère Nalos de vous parler de notre nation et de notre foi. Je lui laisse la parole. Notre Égypte, notre patrie bien-aimée, le Nil, le fleuve vert qui coule dans nos cœurs, le Nil entend ses enfants. Oh, descendants des pharaons, enfants du dieu Ra, lignés de Saint-Marc, vous êtes la lumière du monde, vous êtes l'essence même de l'Égypte, son cerveau et sa gloire. Nous devons nous efforcer d'incarner les forces éternelles de notre pays, sur cette terre, dans notre cœur, dans cette Égypte qui est la nôtre. Je vous promets que nous saurons retrouver le chemin du sommet, comme disait Faltus, mon père. Mes amis, ce sera tout. Que Dieu vous garde. Allez. Venez, Passwordland. Sortons. Je ne me doutais pas. Je n'aurais jamais imaginé cela de Nalos. J'avais seulement demandé de parler de notre histoire. C'est un prêcheur né. Nalos, c'est toi. Mais relève-toi, je t'en prie. Et viens, rentrons. Leina nous attend. Eh bien, mes fils, comment cela s'est-il passé? Maman! Non, Nalos, à genoux, viens dans mes bras. Maman! Nessine, emmène notre hôte, s'il te plaît. Voilà un nouveau Nalos. Je ne savais pas qu'il avait une telle puissance mystique en lui. Cela semble vous inquiéter. Un peu. Voilà, mon cher Darley, où en était Passwarden à ce moment de notre histoire. Il était fasciné par l'univers qu'il découvrait et ne mettait nullement en question la parole de Nessim. Et Leila, comment était-elle? Telle que vous la connaissez. Comme nous tous, Passwarden avait été impressionné et gêné par la grande silhouette noire engoncée dans les voiles. Depuis l'attaque de la petite Vérole, 10 ou 15 ans plus tôt, plus personne n'avait vu son visage. Mentoliv et Leila sont restés en contact toutes ces années? Et comment? Pour lui, elle restait la grande initiatrice à l'amour et au monde arabe. Rappelez-vous, il avait à peine plus de 20 ans quand ils ont eu cette liaison passionnée à Karmabugirg. Et elle? Mentoliv a été le dernier amour. le dernier témoin de son extraordinaire beauté avant les ravages de la maladie. Ils ont continué à s'écrire, des centaines, des milliers de lettres, parfois quotidiennes. Et justement, la veille du prêche de Nowruz, Leïla avait reçu de Moscou, où Mantoliv se trouvait en poste, un télégramme lui annonçant qu'il était nommé ambassadeur au Caire. Le soir, dans la grande demeure endormie, Nessim et elle ont veillé longtemps en parlant de l'arrivée imminente de leur ami anglais. Maintenant qu'il revient, nous pourrons lui faire comprendre ce que nous essayons de faire. Tu crois que nous pouvons avoir confiance en lui ? Si ce n'est pas en lui, en qui d'autre ? Et Mantoli voudra te voir ? Je ne le verrai pas. Le corps diplomatique va bientôt prendre ses quartiers d'été et David restera tout le temps à Alexandrie. Il devra attendre que je sois prête. Après toutes ces années, attendre encore. Dis-moi, est-ce qu'il a vieilli ? Il a des cheveux blancs ? Sa jambe, est-ce qu'il peut marcher ? Cette chute de ski en Autriche ? Je l'ai vu il y a quelques mois à peine à Berlin. Il est plus jeune que jamais. Il n'a pas vieilli d'un jour. Oh, tu es horrible. Vraiment horrible. Va-t'en, laisse-moi seul maintenant. J'ai des lettres à écrire. Lorsque Mantoliv était passé par Londres avant de regagner l'Égypte, deux courriers l'attendaient. L'un était le rapport de Maskelyne, le fameux document intitulé « Un complot chez les Coptes ». L'autre était une longue lettre de Peswarden. Il évoquait lui aussi les accusations de Maskelyne et faisait à Mantoliv le récit détaillé de sa visite chez Nessim et de la cérémonie copte dans le désert. Il y affirmait son intime conviction quant à l'innocence de Nessim. Fatigué des intrigues diplomatiques, il demandait son transfert d'Égypte vers une autre ambassade, moins prisée. Et il concluait... Quant au reste, le pays est toujours là, hétéroclite, tortueux, polymorphe, oblique, équivoque, opaque, ambigu, fourchu ou simplement complètement maboule. Je vous souhaite bien du plaisir quand je serai parti. Je suis sûr que votre première ambassade sera un succès éclatant. Quelques semaines plus tard, l'Égypte réservait à Mantoliv un accueil splendide. Quand il est sorti de l'avion, le crépuscule mauve montait vers lui et le pays tout entier semblait s'installer tout doucement dans un puits d'encre. Les splendides crépuscules du Caire, les tourbillons dorés de sable, les boutons des minarets, les collines du Mokattam roses et nacrées comme des ongles. Oh, Balthazar, que de nostalgie vous m'apportez ce soir. Dès le lendemain, Mantoliv convoquait Maskelyne. Il lui signifiait sa décision de transférer son QG à Jérusalem. En bon militaire, Maskelyne s'est incliné devant l'autorité. C'est donc Perse Warden qui gagne. Bien. Bien. Et quelques jours après, il déménageait le personnel de l'ambassade à Alexandrie. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ? Les pages de votre manuscrit concernant la soirée donnée par Nessim en l'honneur de Mantoliv sont superbes. Comme toujours, lorsque vous parlez d'Alexandrie et des Alexandrins, vous êtes incomparable. Vous voulez me les lire ? Le soleil couchant avait fait le vide dans les artères convergeant vers le port. Avait fait le vide dans les artères convergeant vers le port. Le jeu d'une lumière sans couleur ni résonance sur la surface d'une mer encore mouchetée de voiles. Ce fut une fête somptueuse et barbare. Et toute Alexandrie vint rendre hommage à Mantoliv comme si l'on fêtait le retour d'un enfant prodigue, alors qu'en fait, il ne connaissait pas grand monde à part Nessim. Les grandes vitres cerclées de cuivre des fenêtres du Yacht Club étincelaient comme des diamants et jetaient des éclats de gaieté sur les tables d'une blancheur de neige et chargées de mets. Elles embrasaient les verres, animaient les bijoux et les prunelles dans un dernier flamboiement inquiet avant que se lèvent les lourds rideaux et que les visages réunis pour accueillir Mount Olive se teintent des chauds et pâles reflets des bougies. Les triomphes de la politique, les grandes manœuvres du tact, la cordialité, la patience, libertinage et sentimentalité, tuer l'amour par nonchalance, se consoler dans les bras d'un autre. Voilà Alexandrie, la ville maternelle, inconsciemment poétique. Alexandrie, la ville maternelle. Oui, sans doute. Ce soir-là, il y avait comme toujours quand Nessim recevait une chaleur et une magnificence rassurante et poétique. Ce fut, comme on dit, une grande et belle soirée. Tony Umbalda, Baldassaro, Trivizzani, Claude Amaril, Paul Capodistria, Delphine de Franqueuil, Général Servodon, Ahmed Hassan Pacha, Pozzo di Borgo, Pierre Baltz, Gaston Phipps, Haddad Fami Hamil, Mehmet Adam, Wilmot Pierrefeu, Toto de Brunel, Colonel Neguib, Gilda Ambon. Ah, Nessim, vous m'avez fait peur. Mais qu'est-ce que vous faites, Darnay? On dirait que vous marmonnez une prière. Je me disais les noms et les visages d'Alexandrie. Il y a ce soir toute la poésie et l'histoire du commerce, toute la métrique du Levant qui a absorbé Venise et Gênes. Amusez-vous bien, mon cher. Ah, Justine, enfin. Viens, ma chérie. Viens que je te présente David Mantelem. David, soyez le bienvenu. Il y a si longtemps que j'entends parler de David. Il me sera difficile, je crois, de vous appeler autrement. Nessim. Et Leïla, où est-elle? Ça fait 2 semaines que je suis arrivé. Son silence me tourmente, je ne comprends pas. Tenez, David. Elle m'a chargé de vous remettre cette lettre. Voulez-vous aller la lire tranquillement? Je vais vous faire ouvrir le salon privé. Oui, volontiers, oui. Le Quatuor d'Alexandrie, de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. 9e épisode. Avec Christophe Giordano, Darley, Anne Alvaro, Leïla, Didier Sandre, Nessim, Gérard de Sarthe, Balthazar, Valérie Lang, Justine, David Jesselson, Mount Olive, Thibaut Vinson, Perswarden, Mohamed Rouabi, Narouz. Et les voix de Alexandre Donders, Omar Baha, Jeanne Candel, Alexandra David, Graziella Delerme, Marion Cohen, Yann Lheureux, Benoît Marchand, Régis Romélé, Pascal Socroun, Julie Timmerman, Sabrina Baldassara. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Serge Ristich, Dimitri Scapolan, Annabelle Brouard, Christine Bernard-Sugy.